Bonsoir. Une histoire. Écoutez maintenant une histoire sélectionnée par Sakili, libre choisi. Encore un instant et vous écouterez la lecture du livre Les voisins sauvages, édité chez L'étagère du bas. Nous aimons particulièrement le titre de cet album drôle et sérieux à la fois, Les voisins sauvages. Les voisins sauvages parlent très clairement de la peur de l'inconnu. Les voisins, il s'agit bien là de ces étrangers qui ont élu domicile dans le jardin de notre héros lapin. Quant à sauvages, cela qualifie parfaitement. Ces animaux sont nul doute barbares et sans savoir vivre. Ce sont des fauves. Lapin se rend dans sa maison de vacances et découvre avec effroi que d'horribles bêtes sauvages squattent son jardin. N'a-t-il pas encore eu le temps de poser ses valises que les terribles bêtes, débordantes d'énergie, créent un véritable cataclysme autour de la fontaine de son jardin. Lapin se réfugie vite chez lui et très inquiet, il cherche du réconfort auprès de sa maman au téléphone. Calme et sereine, elle lui conseille d'organiser une fête. Apprends à connaître tes nouveaux voisins. C'est ainsi que Lapin, au cœur d'une petite fête accompagnée de musique et d'une délicieuse tarte aux fraises, va changer son regard sur ses invités. Ulrika Kesteré nous livre ici un premier album riche en couleurs et au dénouement inattendu qui vous fera sourire. Dénouement cependant un brin philosophique qui n'a été pleinement compris que par les plus grands du comité de lecture de Sakili. Et maintenant, installez-vous confortablement et écoutez bien. Lapin était ravi. Il était en route vers sa maison de campagne. Il l'avait acheté pour 3 carottes. C'était cher, mais ça valait le coup. En effet, c'était bien triste de vivre à l'étroit dans un trou sombre toute l'année. Lapin avait fourré dans ses valises tout ce dont il ne pouvait pas se passer. Des betteraves, des pommes de pin et un certain nombre de taille-crayon. La maison de campagne était entourée de grands arbres et de buissons bien ronds. Elle avait une porte lilas et un toit pointu. La cheminée était fine et drôlement longue. Mais, en arrivant à la maison, Lapin eut très peur. 4 fauves buvaient l'eau de sa fontaine. Lapin rampa jusqu'au buisson le plus proche de la fontaine. Le plus courageusement possible, il dit une petite voix. « Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Ceci est mon jardin !» Les bêtes sauvages se tournèrent vers le buisson. « Il me fatigue, ce buisson !» soupira le tigre et se remit à laper l'eau. D'un bond, Lapin sortit de sa cachette et cria. « Pardon, mais il se trouve que c'est ma fontaine !»« Nous devons boire à cette fontaine !» dit le lion mollement. « Nous le faisons pour bien nous réveiller le matin. Tu peux le comprendre, ça, même si tu n'es qu'un lapin. » Ça, pour les réveiller, l'eau de la fontaine les réveillait. Après avoir bu, ils se mirent à courir partout dans le jardin comme des fous. Ils griffèrent les arbres de lapin, mangèrent ses fleurs, déchiquetèrent des pommes de pin et coururent après leur propre queue. « Pourquoi vous faites ça ?» gémit lapin. « On déborde d'énergie !» dit le guépard. « Et pourquoi dans mon jardin ?»« C'est notre jardin aussi. Vous habitez où ?»« Là, sur la pelouse. Vous payez un loyer ?»« On ne sait pas ce que c'est, un loyer. » Lapin se réfugia vite dans la maison. Il était très inquiet. Maintenant que des bêtes sauvages avaient élu domicile dans son jardin, il se dit qu'il allait bien falloir les apprivoiser d'une façon ou d'une autre. Peut-être que si ces fauves devenaient végétariens, ça les calmerait ? Lapin ouvrit une de ses valises qui était pleine de betteraves et les disposa sur un plateau en argent. Lapin sortit dans le jardin avec le plateau. « À table !» dit-il. « Très bon pour la santé et végétarien !» Les fauves se jetèrent sur les betteraves. Ils mangèrent la gueule ouverte et faisaient vraiment peur à voir. Le jus de betteraves giclait de partout et leur donnait l'air encore plus sauvage. « C'est bon !» rugit le lion. « Ça me donne plein d'énergie !» Et les bêtes se mirent à faire du catch dans les plates-bandes. Lapin retourna à la maison et appela sa maman. « Qui est à l'appareil ?» répondit maman. « Sniff, sniff !» sanglota Lapin. « Qui marmonne comme ça ?»« Maman !» dit doucement Lapin. « Si des bêtes sauvages s'installent dans ton jardin, que faut-il faire ?»« Des bêtes sauvages ?» répéta maman lentement. « Il faut faire une fête !» « Je dois leur organiser une fête ?» Exactement. Fais un beau carton d'invitation et organise une fête. Apprends à connaître tes nouveaux voisins. Mais ils ne payent pas le loyer. C'est pas très important, ça. Allez, bonne nuit. Lapin veilla tard cette nuit-là pour dessiner le carton d'invitation. C'était important, un carton d'invitation. Plus il est beau, plus on a envie de venir à la fête. Lapin dessina un écureuil et des petits cœurs dans les coins. Il se dit qu'il avait peut-être dessiné un peu trop de cœurs, mais de toute façon, il ne pouvait plus les effacer. Alors il les laissa. « Je vous invite à ma fête. Venez chez moi au lever du soleil. Bisous, Lapin. » Lapin mit la carte dans un petit panier et ajouta beaucoup de bonbons. Puis, quand la nuit fut bien noire, il sortit dans le jardin et plaça le panier près des fauves endormis. Au lever du soleil, on frappa à la porte et sur le seuil se tenaient les fauves. Ils avaient l'air méfiants. « Il paraît qu'il y a une fête, » dit la panthère. « Soyez les bienvenus, » dit Lapin. « Entrez, j'ai fait du punch aux fruits. » Les fauves se mirent en rond autour du saladier de punch et commencèrent à laper. Lorsque le saladier fut vide, on pouvait voir le poil de leur fourrure vibrer. Ils avaient la pêche, l'effet du sucre. Lapin prit peur. Et s'ils devenaient zinzin dans la maison? Il fallait les faire sortir dans le jardin. Et vite! Lapin emporta son tourne-disque dans le jardin et s'écria « Maintenant, on danse !» Il commença à se trémousser énergiquement et les autres le regardèrent gêné. « Maintenant, on va se décharger de toute cette énergie, » dit Lapin. « C'est n'importe quoi, » soupira le lion. « Je vais plutôt rugir, » dit le tigre. « Moi, je veux me faire les griffes sur ta maison, » dit la panthère. « Moi, je veux courir après ma queue, » dit le guépard. « Sauf que c'est ma fête et c'est moi qui décide, » dit Lapin agacé. Lapin semblait bien décidé, alors les fauves se mirent à danser aussi. Au début, ils eurent l'air de se forcer, mais très vite, ils se laissèrent envahir par la musique et finalement, ils eurent l'air complètement dingo, presque aussi dingo que Lapin. Et plus ils dansaient, plus les fauves rapetissaient et devenaient doux. À la fin du disque, ils étaient tous devenus de gentils petits chats domestiques. Les petits chats trottinèrent vers Lapin et se frottèrent contre lui. « Ça alors, » dit Lapin, « que vous êtes petit, que tu es grand, » miaula le petit tigre. « Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup grandi, » dit Lapin. « Bon, vous voulez du gâteau maintenant ?»« Oh oui !» miaulèrent les chats en cœur. Lapin avait préparé une délicieuse tarte aux fraises et dressé une belle table derrière la maison. Les chats se jetèrent sur les fraises. Ils mangeaient la gueule grande ouverte et le jus de fraises giclait de partout. Le petit tigre fut très agacé par un papillon qui tournait autour de lui et le dérangeait. Les chats étaient toujours les mêmes et pourtant bien différents. Lapin arrêta de s'en faire et s'endormit dans son assiette, satisfait et repu, le ventre plein de gâteaux. Et voilà, notre histoire est terminée. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et retrouvez plein de livres choisis sur le blog de sakili.com. À bientôt! Une histoire.